sur de la rage de bled de Moubaraka Alpha. C'est le rap des sans papier. MC, fous pas les tables. On représente ceux qui lavent leur flingue à la rivière. La rage d'un blessard reconduit à la frontière. Déterminé à partir comme les mecs du pays, dont l'avion, dont la soupe bloqué entre les colis. C'est le rap des tiers là-bas et des bobos qui se nourrit des plaquettes, couscous et puis au bout. T'inquiète, entends des sons de ceux qui t'as caché pour les clandestins du reste de la grande armée. Le type d'Atsarko mérite des fractures. Balance des rimes refoulées tout droit de la préfecture. C'est un pour moi Eli, deux, deux pour un joint, trois, trois Ngazija, quatre, quatre pour Mayotte, pour Algérie, Tunisie et Maroc. C'est comme Orda, car on met tout le monde d'accord. C'est la rage de bled, en bateau, en charter. De retour, on ramène tous nos frères. Ce sont des pays sous-développés. On part à quatre formes, fort pour apprendre. C'est la rage de bled, en bateau, en charter. De retour, on ramène tous nos frères. Ce sont des pays sous-développés. On part à quatre formes, fort pour apprendre. Je crois pas à l'ONU ni à l'UNESCO. Ils veulent nous la mettre, enfants du ghetto. Dans les zones sensibles, reconnais ma voix. J'ai pas besoin de rap, celui qui a besoin de moi. C'est K.O.G, MC de surcroît. On pirate mes cassettes, même en Gazidia. Les marchés d'Abidjan, les rues de Douala. Brûle les voleurs comme au Nigeria. Kill la belle, comme l'a dit Franco. Tu rentres ok, mais tu sors K.O. Le fléau de l'Afrique, c'est les guerres tribales qui font le profit de la race coloniale. Ils veulent qu'on vive selon leurs normes, qu'on assimile leur culture, guidé par un bon. L'hexagone en flamme sous le poids de mes mots. Napoléon se retourne dans son putain de tombeau. C'est la rage de bled, en bateau, en charter. De retour, on ramène tous nos frères. Ce sont des pays sous-développés. On part à quatre formes, fort pour apprendre. C'est la rage de bled, en bateau, en charter. De retour, on ramène tous nos frères. Ce sont des pays sous-développés. On part à quatre formes, fort pour apprendre. La rage du bled comme un gitan de la croix. Ça vaut des caravanes là où les keufs ont peur de laisser leur peau. Popopo, c'est hardcore comme le Portugal. Des mains de maçon à la sueur du fond du gaz. C'est la chinois, j'parle pas des touristes. Monsieur du 13ème, tu ressens la rage asiatique. Discret comme un ado qui vend des cacahuètes. Les tests pas aux proches pattes, ils te répondent en balayette. Pour les beatless, vamos locos americanos. Representa la timos. La rage d'un turc qui traverse la Manche à la nage. Les Pakistanais qui ont percé en Grande-Bretagne. Nous t'aides pas, nous facteur hip-hop. Ou Barakalfa arrive dans le rap en pirogue. Asperci, on est tous comme Carla. Dans la vie, on se fait ken par Nico. C'est la rage du bled, en bateau, en charter. De retour, on ramène tous nos frères. Ce sont des pays sous-développés. On part à quatre formes, fort pour apprendre. C'est la rage du bled, en bateau, en charter. De retour, on ramène tous nos frères. Ce sont des pays sous-développés. On part à quatre formes, fort pour apprendre. Alpha, Paracha. T'as vu au bled comment c'est mon frère? Aïe! La même misère. Toujours cousin. Comore, c'est toujours la merde. Dakar, toujours la même merde. Aïe! Mais... J'préfère passer 3 piges à Fleury que 3 mois dans une prison au bled 5. Aïe! Mais on sait, on arrive dans le rap, ça va faire mal. Ouais. Tester, on a la rage du bled. La vraie rage du bled, la cousin. La rage du bled, personne ne va nous tester. Aïe!